L'amour est patient et plein de bonté. L'amour n'est point envieux et ne se vante plus. L'amour ne fait rien de malhonnête et ne s'enfle point. L'amour ne cherche point son intérêt et ne périt jamais. L'amour, le plus grand mot de la vie. L'amour de Dieu, le plus grand don de la vie. L'amour ne soupçonne point le mal et ne se réjouit point d'injustice. L'amour se réjouit de la vérité, excuse tout. L'amour croit tout, espère tout. L'amour la